Thank you. restaurant chinois. Au menu ce soir, je vous propose du chien ou du chat. C'est comme vous préférez, honorable.